Faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs, Indy 500, c'est parti. Adrien Lucas, bonjour. Bonjour. Émile Lefebvre, bonjour. Bonjour. Respectivement directeur technique et directrice créatrice de Caravan Sandwich, un jeu qui est sorti le 12 septembre dernier, c'est développé par Plain Toast, édité par Dear Villagers, c'est sorti sur PS5, sur Nintendo Switch, sur PC, c'est compatible Steam Deck et ça coûte 24,99€. Est-ce que j'ai été complet ? Ah oui, c'est tout est exact. C'était tout est là. Parfait. On a rien de plus. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission qu'est Indy 500. On va revenir sur Caravan Sandwich dans toutes ses composantes. Mais avant de parler du jeu, avant de parler de l'avant du jeu, on va revenir sur votre parcours à chacun et chacune. On va commencer par les célèbres virages de l'émission avec votre premier coup de cœur de joueur et honneur à Amy, du coup. Pour ton coup de cœur de joueuse. Alors, plutôt de joueuse. Mon premier coup de cœur de joueuse, c'était, je pense, alors j'ai joué à pas mal de jeux avant ça, mais je pense que un qui m'a le plus marqué, et notamment pour Caravan Sandwich, c'était Beyond Good and Evil. Ok. C'était de Ubisoft. Et voilà. Il y a énormément de ressemblances d'ailleurs avec Caravan Sandwich, si on regarde le gameplay et même quelques-uns des thèmes abordés. Quoi. Là, déjà, il y a un véhicule, un personnage. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de la photo, qui sait. Ouais. Pourquoi Beyond Good and Evil, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est un tout, c'est l'univers, c'est le personnage principal peut-être? Je pose cette question parce que j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec certaines personnes et on avait parlé de Beyond Good and Evil et de quoi le personnage de Jade, qui était finalement à contre-courant de ce qu'on pouvait voir comme personnage féminin à l'époque, avait beaucoup marqué ses créatrices en tant que telles. Oh ben oui, je pense que je dirais rien d'original en disant que Jade a complètement révolutionné les personnages de jeu en règle générale. Parce que avant ça, je pense que j'avais dû jouer à des Tomb Raider ou autres. Mais ouais, là, soudainement pouvoir incarner Jade, c'était vraiment quelque chose de différent. Alors après, l'univers en lui-même était très très cool, mais moi j'ai pu jouer à sa gamine, c'était le personnage de Jade qui était vraiment le l'aspect le plus convaincant du jeu en ce qui me concerne. Adrien, toi de ton côté, quel serait ton premier coup de cœur de joueur? Alors malheureusement, j'aurais du mal à dire que ça a un rapport avec Caravan Sandwich. Je fouillais un petit peu ma mémoire et j'avoue que petit... Ça n'a pas forcément besoin d'avoir de rapport. Ben, c'est ça. Alors, mais moi, tout petit, il y avait mon frère qui avait réussi à se procurer une copie plus ou moins illicite de Star Wars Battlefront 2. Et ça, à la maison, okay. ça m'avait fait complètement délirer de pouvoir, pouvoir jouer tous les Jedi que je voulais sur Moses Lee. C'était très très fort comme souvenir. Et je pense que c'est un des premiers jeux où j'ai vraiment eu ce sentiment, genre j'ai besoin d'aller allumer l'ordinateur et de jouer à ça, parce que ça me faisait tellement rêver. Tu y as joué avec ton frère, du coup, à ce Star Wars Battlefront 2? Ouais, c'est Est-ce que tu as fait d'autres épisodes de la série aussi? C'est plus probable que j'ai pu regarder mon frère y jouer, mais non, je pense pas avoir joué à d'autres Star Wars Battlefront après ça. Okay. Donc je peux pas dire que je suis un très grand spécialiste de la licence, mais juste j'ai eu beaucoup de fun dessus et ça m'a pas mal marqué, ouais, quand je pense à mon enfance. Le meilleur jeu auquel tu as joué, Adrien, lequel serait-il, sans forcément qu'il ait d'ailleurs de rapport avec Caravan Sandwich? J'avoue que là, en termes, si je suis totalement honnête, je dirais que ça doit être Minecraft, parce que forcément c'est ma génération et puis j'ai passé tellement de temps dessus. Mais après, je pense qu'un autre jeu qui m'a beaucoup parlé et qui était un peu plus intéressant, c'était Fez, qui était développé par Phil Fish, qui m'a montré qu'on pouvait faire autre chose dans le jeu vidéo, et qu'il faisait tellement bien, en plus avec tout ce côté mystère, il y avait un peu un... Ça brisait pas mal le quatrième mur. Et quand j'ai vu ce jeu, j'étais pas mal bluffé. Et je pense que ça m'a même pas mal inspiré pour commencer le game dev OM et mettre à la pâte. Ah, ok, intéressant. Toi, Amy, du coup, quel serait le meilleur jeu auquel tu as joué? Alors, moi, j'ai un jeu qui a pas mal finalement aussi inspiré Caravan Sandwich, c'est Night in the Wood. Globalement, c'est le côté retour un petit peu dans son, enfin le scénario, les personnages retournés dans son petit bled d'enfance, d'adolescence et avoir les gens qui ont changé, c'est totalement la vibe de Caravan Sandwich. Et le côté mystère, le côté il y a quelqu'un qui rôde, etc. Et vraiment, moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé, surtout au moment où j'y ai joué. Et ouais, non, vraiment, je le mettrais dans le haut du panier. Après, il y en a plein d'autres auxquels j'ai joué depuis. Il a pas mal de défauts au final, je pense, Night in the Wood, mais en tout cas, personnellement, je pense que c'est celui-là. Le moment qui a défini ta volonté de travailler dans le jeu vidéo, Amy, lequel est-il? Alors, c'est en fait ce quand Adrien m'a dit, vas-y, on va faire un jeu. Globalement. Il y a pas vraiment de moment où je me suis dit je vais aller dans le jeu vidéo parce que en fait moi j'ai jamais vraiment voulu aller dans le jeu vidéo de base en fait moi j'ai toujours aimé faire plein de trucs j'ai jamais su comment vraiment m'orienter correctement en termes d'études en termes professionnels parce que il y avait vraiment trop de trucs qui m'intéressaient. Mais au final, c'est simplement Adrien, lui, qui était par contre très très motivé, qui m'a dit, vas-y, on va faire un jeu. Et donc on s'est lancé là-dedans. Et même, on a fait un jeu, on a fait un prototype qui s'est un peu la gueule. On a relancé sur ce prototype-là des années plus tard. Et là, bon, bah, c'était acté, quoi. En fait, je me suis retrouvé à bosser dans le jeu vidéo, avant même d'avoir vraiment voulu bosser dans le jeu vidéo. Donc voilà. C'est arrivé au lycée, c'est ça, Ouais, c'est votre ça. rencontre et le fait de vous dire, ok, on va se lancer dans une entreprise comme ça? Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés au lycée, genre en seconde. Hein. Et c'est là où, ben moi, du coup, je faisais déjà du dev vraiment intensément dans l'objectif de faire du dev de jeux vidéo plus tard. Quand j'ai rencontré Amy, qui avait pas mal de skills aussi dans ça et qui faisait pas mal de choses artistiques. C'est là que c'est un petit peu, allez, vas-y, on va faire des trucs ensemble. Et du coup, c'est vrai que Amy, c'est vraiment le couteau suisse qui s'intéresse absolument tout, qui a touché à tout, qui a touché à tous les langages de programmation un peu chelou, tous les tools possibles. Moi, je l'ai forcé à se canaliser un petit peu plus sur quelque chose. Je suis désolé, Amy. Mais après 48, tu pourras reprendre C'est pour tes le mieux. aventures. Mais moi, pour ce qui est de mon début avec le jeu vidéo, quand est-ce que j'ai voulu commencer avec ça, je pense que bah, j'ai dû avoir un parcours un peu classique pour ma génération, dans le sens où il y a eu le moment de la naissance de l'indé, un peu justement, quand je parlais de FaZe avant, De fesses, ouais, absolument. donc t'avais FaZe, t'avais Braid, t'avais Super Meat Boy, etc., qui ont vraiment été la plus première grosse vague. Moi, j'ai été ultra séduit par ça. C'était un moment où forcément, ben, moi j'ai commencé tôt, hein, tout ça. Là, je parle, j'avais 11-12 ans. C'est le moment où tu commences à te rendre compte que tu peux faire un peu plus de choses avec ton ordinateur parce que je le bidouillais tellement. Puis après, j'avais commencé déjà du coup à installer Unity, à commencer à programmer des trucs. J'avoue que ce qui a fini d'achever d'enterrer le clou, c'était la sortie de Indie Games The Movie, qui était un film, je crois, en tout cas, qui était sorti sur Steam. Donc c'était, je me demande, je sais pas si Valve était co-réalisateur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, alors maintenant que j'y repense, c'était un film qui disait surtout, ne va pas faire du jeu vidéo indépendant. Mais avec mes yeux de l'époque, je me disais, waouh, trop stylé! Je veux faire comme eux. Et je pense que ça m'a pas mal motivé. Du coup, je me suis beaucoup nourri du rêve de développeur indépendant. Alors forcément aujourd'hui avec l'expérience je vois ça un peu différemment, Mais c'est ce qui a été mon carburant pendant pas mal d'années, ouais. Tu parles de l'indépendant, est-ce que c'est dans cette branche que se situe le jeu qui t'inspire le plus en tant que développeur? Tu parlais de FES qui a inspiré une bonne génération, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont au-dessus? Bah après, forcément, même dans ce qu'a cité Amy, hein, Night in the Woods, il y a aussi Alba, qui est un jeu incroyable. Après, ça commence à être difficile, je trouve, de placer la frontière entre indépendant et production classique aujourd'hui. Parce qu'en fait, bah, les vrais jeux indépendants récents, sachant que tout le monde bah, cherche des éditeurs, je sais pas si l'indépendant qu'il y avait il y a 10 ans est le même qu'aujourd'hui. Ouais, je pense que il y a des jeux qui m'ont vraiment marqué dans l'indépendant et qui amenaient tellement de différences que c'était tellement une niche intéressante et je pense que beaucoup de gens sont tombés dedans étant petits. Moi, je jouais à des jeux indépendants parce qu'au final, j'avais pas de PC pour faire tourner des jeux plus gros. Donc, Mais j'ai commencé comme ça aussi. Hein, c'est... voilà. J'ai commencé avec le premier Spelunky de 2008, celui qui était gratuit sur Windows. C'est incroyable. Justement, ça fait partie de ces jeux qui t'inspirent le plus en tant que développeur, Amy, les indés. Est-ce qu'il y a des titres que tu retiens? En fait, moi, je vais plutôt prendre la question à l'inverse. En fait, je n'ai quasiment joué à aucun triple A dans mon adolescence. Peut-être les seuls triple A auxquels j'ai joué, ça devait être les Fallout, à la limite. Enfin, même un seul Fallout, c'était celui qui se passe dans le désert du New Moyen, Vegas. New Vegas. Mais autrement, non, en fait, tous les jeux indés de l'époque déjà m'ont énormément inspiré. Et encore aujourd'hui, bah, en fait, je joue quasiment que à des jeux indés. Hein. Il y a pas à dire. Dans les jeux qui m'inspirent le plus, en tout cas, le jeu, je pense que auquel je reprends souvent. Et qui m'inspire beaucoup, c'est un jeu un peu inconnu qui s'appelle A Dark Room, une pièce sombre. Et en fait, c'est un tout petit jeu clicker sur un navigateur. Et en fait, c'est ouf en fait la façon dont le jeu progresse et dont ils font énormément avec rien du tout. Et c'est vraiment peut-être comme ça que c'est peut-être cet aspect-là qui m'inspire le plus, je pense. Pour info, c'est un jeu tout Intéressant. en ASCII, il n'y a pas une seule texture. Ah oui, en fait, c'est que du texte et des boutons et des caractères, enfin, à la limite, des illustrations ASCII au bout d'un moment, mais très, très, très intéressant. Alors, on referme ces virages ici pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avec notamment bah, Plain Toast, le studio. Comment on est arrivé à la création de ce studio? Et puis, une question que je pose beaucoup à mes invités, c'est de savoir si vous étiez uniquement deux à travailler sur le projet ou si en réalité vous étiez beaucoup plus. Vous étiez beaucoup plus, vous étiez 14 personnes d'après une interview que j'ai trouvée. Comment tout ça s'est goupillé? Bah, l'historique un peu de Plain Toast, bah, d'abord, comme on a déjà raconté, on s'est rencontrés au lycée, on a un peu formé un duo à ce moment-là. Et comme disait Amy, on a d'abord fait un premier prototype de 40 sandwich. L'idée, elle est née pendant une randonnée dans le Verdon. Donc c'est entre les Alpes et la Provence. En étant là-bas, au moment où Amy m'a dit, ah, mais vas-y, le projet sur lequel on travaillait à ce moment-là, il commence un petit peu à patiner et ça te dirait pas, on fait un jeu un peu simple, on le fait en un mois, ça serait une caravane qui se balade dans un désert et c'est relaxant. C'était vraiment ça, tout ce qui avait été dit à ce moment-là. Et ben, on n'a pas réussi à le faire en un mois, je crois, parce qu'on est genre 8 ans plus tard. Mais à ce moment-là, on a fait effectivement en 3 mois un prototype. Sur Unity à l'époque, alors c'était très très très loin de ce qu'est le jeu aujourd'hui. Il y avait toujours le van, il y avait toujours le désert, mais tout le reste était bien différent. C'était un jeu en top-down, shooter avec des canons sur le toit et tout. Autre chose. Mais on va en reparler effectivement un petit peu plus tard de l'évolution de Caravan Song. Ouais, mais bon, mais pour revenir du coup à la fondation de Plaintoast, ben on a fait plusieurs prototypes, une démo, puis une vertical slice qui nous ont mené à trouver un éditeur. Et cet éditeur, du coup, ben on a réussi à trouver Dear Villagers à Montpellier, ce qui nous arrangeait bien parce que c'est vraiment très proche. Et avec qui, ben, du coup, on pouvait parler français parce que c'est pas évident pour tous les studios d'être dans le même pays ou de parler de la même langue que son éditeur. Et ça a tout bien matché. Ils nous ont du coup à ce moment-là donné les moyens de nos ambitions, voire plus, même beaucoup plus, parce que ils nous ont dit voyez plus gros, faites une belle équipe. Pour donner vie à ce projet, on y croit. Et c'est là qu'on s'est retrouvé effectivement à être beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait imaginé, parce qu'à la base on pensait juste que nous deux. Ah ouais, génial, mais du coup ça a amené d'autres problèmes. C'est ça crée beaucoup d'autres clairement. Problèmes. Alors ça permet d'avoir le jeu qu'on a aujourd'hui, Clarence avec le scope qu'il a. Mais forcément avoir un gros scope, c'est aussi un grand scope vient avec beaucoup de responsabilités, comme dirait le long de Spider-Man. Et ça, on a prise de parfait. Mais voilà un petit peu la création de Plaintoast. Ouais. Tout soudainement, on était parti de deux personnes. On se retrouve avec une équipe de 14. C'est bien différent à gérer. Et en fait, voilà, faut dire que quand on a signé, on avait 22 ans. C'est quand même un gros projet, une grosse équipe à gérer. On n'avait vraiment aucune expérience de faire une prod en entier. Et du coup, ben, t'arrives et voilà, t'as des retards qui commencent, il y a plein de problèmes de production, de gestion d'équipe, donc c'est compliqué. Et en plus de ça, ben, en fait, tu te retrouves 2 ans et demi plus tard, et en fait, les 14 personnes, elles sont parties. Maintenant, on est plus que deux. Et en fait, on a le studio, c'est plus que nous deux, et donc c'est quelque chose, je pense, à questionner en fait dans la façon dont on fait des jeux aujourd'hui. Ah ok, intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait questionner selon toi justement, la gestion des équipes, la gestion de l'après-projet, c'est La façon dont on crée des jeux aujourd'hui, elle se tourne de plus en plus vers une sorte de modèle start-up. En fait, où on injecte énormément d'argent dans des projets prometteurs pour faire des sortes de jeux double I, et en fait juste assez pour en fait sortir un jeu et faire grossir une équipe et ensuite laisser partir tout le monde. Et donc le problème, c'est que ça crée pas des équipes pérennes. Et donc le souci avec ça, c'est que ça fait du coup cette espèce de modèle start-up. Et c'est une direction que prend l'industrie aujourd'hui, et je pense que c'est beaucoup moins pertinent que de faire des plus petits jeux avec des équipes réduites qui grandissent lentement et qui permettent donc de créer quelque chose de beaucoup plus pérenne, quoi. Je vais anticiper une des questions que je voulais te poser, Amy, parce que j'ai vu que tu avais suivi une formation à l'IAE School of Management de Metz. Est-ce que c'est une formation qui t'a été utile justement dans la dernière ligne droite du projet? Parce que c'est de 2021 à 2023, et je crois que la consolidation vraiment de Plaintoast, c'est à partir de ce moment-là. Alors, là, on va partir sur des détails de mon parcours. Je n'ai jamais mis les pieds à l'IAE de Metz. En gros, c'est en fait un dispositif d'accompagnement d'incubation. Et en fait, j'ai suivi quand même quelques formations de management, et ça, c'était surtout utile au début pour mettre en place pas mal de process, du Scrum, des choses du genre. Des rétrospectives, des outils pour comprendre les problèmes, de la résolution de conflits, des choses comme ça. Mais à part ça, en fait, on a quand même vraiment appris la majorité de nos trucs sur le tas. Avec Adrien, on a vraiment fait des études d'ingénierie à la base. Donc on est sorti en sachant faire des équations différentielles, mais pas forcément en sachant gérer des équipes. Donc après, voilà. Adrien, toi, tu as travaillé sur quelques précédentes créations. J'ai vu que tu avais travaillé sur Pumpkin Jack, notamment, développé par un studio français. Quelles sont les leçons que tu as retenues pour Caravan Sandwich, pour le coup, la création pure de jeux vidéo? Bah alors en leçon purement technique, j'ai sorti pas mal de. En fait, ça m'a permis de me spécialiser un peu cette expérience, parce que moi, ça faisait un moment que je faisais du dev, mais j'avais jamais fait un vrai projet commercial. À ce moment-là, par la force des choses, donc c'était un jeu développé par une seule personne, Nicolas Messonnier, que je suis venu accompagner pendant un peu plus d'un an pour finir le jeu. Donc à ce moment-là, moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui était les interfaces, les UI. Parce que ben il savait pas faire ça et du coup j'ai appris. Je me suis aussi retrouvé à faire le portage du jeu sur console, donc sur PlayStation, Xbox et Switch. Alors pour ceux qui savent pas, faire du portage de jeu c'est une énorme galère. C'est tout un métier et moi j'ai dû apprendre ça sur le tas. C'est pour Mais ça qu'il y a des boîtes pour ça, hein, c'est d'ailleurs. pour ça qu'il y a des boîtes pour ça. Mais du coup voilà, moi j'ai appris le portage à ce moment-là, donc j'ai fait le portage de 40 Sandwich aussi. Du coup. Ce qui fait, voilà, c'est ces compétences pas en pratique que j'en ai sorti. Je ferai plus jamais de portage après ça, mais je l'ai fait. Mais sinon, ben, de l'expérience Pumpkin Jack, j'en ai retiré énormément de choses. Parce qu'en réalité, je pense que j'avais pas réalisé sur le coup, mais j'ai été là tout le long, de la fin, en tout cas. Ce qui fait que j'ai aussi vu, ben, la release du jeu, tout le travail avec l'éditeur, la réception par le public. Les interviews, enfin tout ce qu'on est aussi en train de vivre maintenant, et ce qui fait que je suis moins surpris et que j'arrive à prendre des choses peut-être avec plus de recul et à savoir un petit peu comment c'est censé se passer. Et du coup ça ouais, c'était une expérience super intéressante. Le jeu a mis à peu près 8 ans pour être développé, ce qui est très très long. Néanmoins, comment on segmente entre guillemets ces 8 ans? Est-ce que vous avez travaillé 8 ans sur Caravan Sandwich? Je pense qu'en réalité, vous avez travaillé sur d'autres choses. Soit tu as bossé sur Pumpkin Jack, Adrien notamment. Amy, je pense que ça va être la même chose pour toi. Comment s'est passée la segmentation du travail sur le jeu? Alors c'est Alors, oui, absolument pas j'imagine bien 8 ans. qu'en effet, c'est pas absolument pas 8 ans. Et 8 ans, on a eu la première idée du jeu, et là, c'est passé un long moment à faire des prototypes, et même en fait un long moment, on n'a pas du tout touché au jeu. Oui, bon, on faisait nos On études. était juste simplement en études, et on était même géographiquement assez éloignés. Et en fait, au final, c'est que à partir de 2021, qu'on a commencé à faire le premier vrai prototype sur Unreal qui allait donner le jeu Caravan Rush qu'on connaît aujourd'hui. Et là, on a fait un prototype d'abord en 3 mois, ensuite une vertical slice en 4 mois. Et c'est début 2022, après avoir signé l'éditeur, qu'on commence vraiment le jeu final, quoi, la production du jeu complet. Et c'est 2 ans, 2 ans et demi plus tard, un peu plus de 2 ans et demi plus tard, que vraiment le jeu sort. À ce moment-là. Justement, on parlait de Dear Villagers. Qu'est-ce que vous a apporté l'arrivée de cet éditeur dans le projet, sachant que, comme vous l'aviez dit, vous aviez assez peu d'expérience dans le domaine. Alors, sans doute un apport financier, mais pas que. Effectivement, bah, il y a eu l'apport financier, après il y a eu toute la partie production chez Dear Villagers, donc on a notamment été suivi par Jimmy Calhart, si je le prononce bien, qui était notre producteur sur le projet. Bah, globalement, ça fait que on va devoir rendre des milestones, donc c'est nous forcer à plus organiser l'ordre et la quantité de choses qu'on va rendre, c'était nous tous les 2 mois. Et après, bah, il y avait tous les outils qu'un éditeur pour aider un studio à aller dans la bonne direction, qui sont bah, du coup lancer des playtests à des moments. Par exemple, on a travaillé avec une boîte de playtests qui s'appelle Playing Lab, qui a fait un super taf, je crois, il y a à peu près un an hein, sur le projet pour nous aider à nous guider dans les dernières décisions. Ils ont aussi lancé des mock reviews, qui sont en gros des faux articles de presse faits par des journalistes pour nous aider à situer. Quelle serait la réception du public, en tout cas de la presse, face au jeu. Après, mais aussi, ils vont nous offrir du QA, donc ça veut dire du Quality Assurance, donc des gens en fait qui jouent en permanence au jeu pour trouver les bugs avant que les joueurs ne les trouvent. Et après, bah, c'est un soutien psychologique quand y a des problèmes, ce genre de choses. De ce côté-là, c'est aussi nous aider pour tout ce qui est les sorties sur console, gérer les stores, avoir créé les pages store, etc. Enfin, c'est globalement l'éditeur va s'occuper de tout ce dont nous on n'a pas envie de s'occuper pour qu'on puisse se concentrer sur le développement du jeu. Après il y a aussi la partie marketing avec un éditeur. Alors nous on l'a fait de concert. DVRJ, DVMC Dear Villagers avaient ces réseaux de communication. Ils ont par exemple ils ont été très efficaces pour créer des pubs pour le jeu. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui découvrent le jeu grâce aux pubs qui sortent sur YouTube, Facebook, etc. En fait, donc DV, il s'occupe de nous trouver des partenariats, de nous aider à participer à des événements, ce genre de choses. Après, nous, on a aussi nos propres réseaux, et ça, c'est Emmy, donc je vais laisser Emmy parler sur le sujet. Pour le coup, ça, c'était pas forcément toujours clair qu'est-ce qui était de notre ressort et qu'est-ce qui était du ressort de l'éditeur. Mais en tout cas, ce qui était du ressort du studio, c'était la gestion des réseaux de Caravan Sandwich, en fait, sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ce qu'on veut. Donc moi je fais un petit peu du community management depuis quelques temps. Ça marche, hein, ça ramène des gens, ça ramène des wishlists. Tant mieux. Donc tant mieux, hein. Voilà, c'était quand même l'apport de Dear Villager, c'était quand même une grosse collaboration, et les gens se rendent pas compte, en fait, de tout ce qui se passe derrière un jeu et tout ce que peut offrir un éditeur. On va rentrer dans le détail désormais de Caravan Sandwich avec une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est Caravan Sandwich? D'où vient le concept? On a touché quelques mots aux inspirations. On avait ce concept original de avoir un van qui se déplace dans le désert et c'est cosy. Ça, c'était vraiment l'idée d'il y a 8 ans, qui avait pas mal bougé à l'époque, mais au moment on a décidé de reprendre le projet. Donc moi je venais de finir Pumpkin Jack et je m'étais réchauffé en me disant il y avait quand même un truc, mais peut-être qu'on pouvait revenir aux origines. Du coup le côté vraiment van cosy dans le désert. Et c'est là que j'ai contacté Amy. En fait on s'est mis à réfléchir à une expérience beaucoup plus fraîche, cosy, bienveillante, mais tout en gardant d'aborder des sujets un peu complexes qui nous tiennent à cœur. Moi, je sais que j'ai aussi beaucoup été inspiré, par exemple, par alors c'est bête, hein, tous les jeux des dernières années sont inspirés par ça, mais Breath of the Wild a créé je pense, des nouvelles émotions ou une façon de faire les choses un peu plus esthétique, je sais pas comment le décrire, mais cette liberté, ce sentiment de aller explorer, laisser en fait faire confiance aux joueuses pour faire leur choix sur la façon dont ils veulent jouer, je pense que c'est un truc qui nous a beaucoup inspiré. Bah, c'est un peu même dans les lignes principales de comment on décrit le jeu aujourd'hui, c'est prenez votre temps, jouez à votre rythme. Et du coup, Caravan Sandwich, on est très vite tombé sur ce concept de pas de timer, pas de combat, joue à ton rythme, et l'exploration prime, tout avec cette histoire, ces personnages qui sont là pour raconter les thèmes qui nous tiennent à cœur et montrer une humanité bienveillante. Parce que on est un peu lassé des dystopies cyberpunk qui montrent des futurs vraiment peu désirables. Et on se disait, peut-être que il y a beaucoup de dystopies qui sont racontées dans les univers imaginaires en ce moment. Peut-être qu'il faut raconter autre chose. Et c'était un peu ça On va aussi en reparler effectivement un peu plus la tard. proposition de Caravan Sandwich. On a parlé quelque peu de l'évolution mécanique du jeu, notamment le fait que c'était un top-down shooter, un twin-stick shooter. Je ne me souviens plus Voilà, t'as besoin de de la. shooter un peu bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions? Comment on en est arrivé au Caravan Sandwich qu'on connaît aujourd'hui? Ça allait très vite entre le top-down shooter et le Caravan Sandwich, beaucoup plus comme on l'a aujourd'hui, parce qu'en fait il y a eu 4 ans entre les deux. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de réflexions de notre part, je pense, dans la façon dont on approche les jeux, essentiellement. Mais entre du coup le dernier, enfin le premier prototype sur Unreal Engine, parce que donc celui qu'on a fait pour arriver jusqu'à au jeu actuel. Et le jeu actuel, finalement, ce qui a énormément changé, ben, c'est la DA, parce que déjà Charlie est arrivé. On va en reparler, effectivement. C'est clairement quelque chose qui a énormément amélioré le jeu. Et ensuite, ben, donc, après, entre ces deux versions-là, finalement, il y a beaucoup moins de changements, et les personnages sont un peu les mêmes, mais on voit qu'ils évoluent, qu'ils changent de relation, de façon de se présenter et tout. Mais il y a eu donc le prototype qui était peut-être un petit peu plus tourné autour d'un désert un peu plus américain, avec un peu, enfin comme on dit, assez rouge, assez un peu à la Fallout, justement. Mm-hmm. Et donc la version actuelle est beaucoup plus tournée autour de la Provence. C'est assez une évolution qu'on a quand même vraiment constatée. Et c'est l'essentiel, hein, je pense. Le gameplay a beaucoup évolué, mais ça c'est aussi pour ce qu'on a rajouté des features, parce que ensuite il y a eu la vertical slice, et là on a commencé à mettre le van et des outils sur le van et des choses comme ça. Donc bah, globalement, voilà, ce qui était intéressant, c'est que entre ce moment on a fait le prototype, une démo et une vertical slice avec Amy, ça nous a permis d'expérimenter des choses et de nous deux nous mettre d'accord sur ce qu'on voulait. Et je pense que ça a été un truc qui a été assez utile quand même pendant tout le développement du jeu, c'est qu'Amy et moi on avait quand même globalement la même idée. C'est extrêmement dur d'avoir la même chose dans la tête, surtout quand on commence à travailler avec d'autres personnes, parce qu'il faut leur expliquer, et c'est un peu notre rôle en tant que game director de donner la direction pour réussir à faire vivre ce qu'on a dans la tête. Et c'est à partir du moment où on avait fini la vertical slice et qu'on a commencé le développement, on a fait bien sûr une pré-prod où on a discuté avec d'autres personnes, ça nous a aidé encore à faire évoluer le concept, mais le concept était là et il est resté assez stable jusqu'à la sortie du jeu. Alors dans cet intervalle, il y a beaucoup de jeux qui sortent. On a parlé de Night in the Woods qui sort en 2018, Alba qui sort en 2019. Comment ils ont quelque peu fait changer un petit peu la direction qu'a pu prendre le jeu ? Ils ont complètement fait changer la direction, effectivement. Ok, intéressant. Bah, dans le sens où c'est 2019-2018, c'est justement les années après le premier prototype top-down shooter. Globalement, on a joué aussi à ces autres jeux qui nous ont un peu montré comment vraiment est-ce qu'on peut faire des jeux autrement. Clairement... En termes de scénario, en termes de jeu, de référence, on était beaucoup sur le premier prototype, sur des références Fallout, Wasteland, des choses très beaucoup moins, je pense, personnelles. Tandis que, en fait, les jeux comme Alba et Night in the Woods parlent de choses vachement plus intimes. Alba, notamment. Prendre l'inspiration de son propre environnement, comme l'environnement de la Méditerranée, des choses comme ça. Et Night in the Woods parle vraiment de relations familiales, de relations avec ses amis, sa ville. Et on s'est dit que c'était vachement plus intéressant de parler de choses qu'on connaît plutôt que d'en fait faire une sorte de régurgitation de références de jeux qu'on connaît, qu'on a aimé dans notre enfance. Et je pense que fondamentalement, c'est ça qui a fait vraiment l'espèce de gap qu'il y a entre la première version et tout ce qui a suivi. Ça a complètement changé la direction. Et pour l'anecdote, hein, pour dire à quel point ça a changé la direction, on avait quelque chose qu'on appelait les points Alba ou les points Night in the Woods. C'était quand, pendant une réunion avec l'équipe, on discutait et on finissait par dire « Non mais regarde comment Alba a fait ça !» Et là, tout le monde disait « Bon, point Alba, c'est bon, on l'a atteint. » On finissait toujours par parler d'Alba et Night in the Woods, parce qu'en fait c'était y a tellement de choses dans ces jeux. Alors je vais pas commencer à faire une liste exhaustive de qu'est-ce qui a inspiré quoi, mais ils nous ont tellement parlé qu'ils ont guidé énormément de choses. Alba énormément sur l'ambiance de la direction artistique, comme disait Amy, les Calanques, la Provence, etc. Mais si c'est pas exactement ça, ça y parlait quand même. Et Night in the Woods énormément pour la narration. Alors je dirais pas qu'on a une narration à Night in the Woods, c'était un objectif très très ambitieux et elle est tellement incroyable dans Night in the Woods. Je pense juste qu'on n'est pas les écrivains de Night in the Woods, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous ont parlé et qui nous parlaient directement. Par exemple, Night in the Woods, il y a ce thème du homecoming, c'est revenir à la maison. Après, pour le personnage principal, c'est d'être parti faire ses études et avoir quitté Exactement. ensuite l'école. Et du coup, il y a ce côté revenir à la maison, tout le monde a continué sa vie, on revient dans ce village, enfin dans cette ville qui est pas ouf. Et ça raconte tellement de choses en fait, et en fait c'est quelque chose qu'on connaît, qui est une expérience assez universelle en fait, de revenir de ses études dans sa ville natale. Et pour tous les bons et les mauvais côtés qu'elle a, retrouver ses potes, mais en même temps, il y a la zone industrielle qui pue un peu. Enfin, c'est toutes ces choses qui nous parlaient beaucoup et qu'on voulait aussi raconter avec 45, d'où le côté, le personnage principal revient en Provence d'une certaine façon, comme nous, on est revenu en Provence après nos études ou autres aventures. Oui, il y a un point commun entre Alba et Night in the Wood aussi, c'est justement ce côté industrialisation qui est présent. Et en fait aussi, je pense que dans cette période-là, on a pu voir, on peut parler d'écologie dans des jeux et Bien sûr. tourner des scénarios autour de ça. Et c'est en plus vachement cool. Donc en fait, de toute manière, moi je me voyais pas bosser sur un jeu qui me parlait pas en termes idéologiques. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On parle d'écologie, je pense, dans Caravan Sandwich. Et c'est un des thèmes centraux, c'est-à-dire que la planète a été ravagée par l'exploitation de la nature à des fins de faire un énorme projet interplanétaire qui est éloigné en fait d'un peu tout ce que vivent les gens sur la planète. Et voilà, c'est en fait notre expérience à nous, c'est-à-dire que on a essayé d'y mettre tout ce qu'on pouvait de notre éco-anxiété dans le jeu d'une certaine manière, et aussi essayer de représenter ce qu'on a vécu un peu dans nos petits villages de Provence avec des grosses industries à côté, des côtés un peu étranges, des zones d'activité qui poussent comme des champignons dans le sud de la France, parmi la jolie garrigue et tout. En fait, t'as des énormes hangars et des choses un peu dégueu. Et donc voilà, il y a une sorte de dissonance qu'on voulait explorer en fait et qu'on retrouve dans Alba et dans Night in the Woods. Et dans 40 Switch, pourquoi? Absolument. Et donc Caravan Sandwich, bien sûr. Et du On coup, parlait dans 40 Switch. d'évolution mécanique, mais tu en parlais il y a quelques instants. Amy, il y a aussi eu une évolution artistique sur le projet. Comment justement vous êtes arrivé à la direction artistique du jeu telle qu'elle est aujourd'hui? On a embauché Charles, Globalement, ça se résume à ça. En fait, hein? on a embauché quelqu'un qui est extrêmement doué en lui disant, fais ce que. Enfin, on lui a expliqué bien sûr notre vision du jeu, on s'est mis d'accord sur la vision du jeu, mais on lui a fait confiance. On n'a pas demandé, on n'a pas imposé, on a été obligé d'imposer à Charles de travailler sur Unreal ou ce genre de choses, mais globalement, Charles, tu es directeur artistique, donne-nous ton savoir, donne-nous, fais-nous cadeau de ce que tu veux faire pour ce jeu. Et Charles a adoré, je pense, ce challenge parce qu'il a vraiment eu la liberté de raconter sa vision artistique et c'est ce qui fait que c'est aussi cohérent et beau aujourd'hui, je pense, et frais aussi. On a parlé un petit peu de Breath of the Wild tout au long de cette interview de Caravan Sandwich. C'est un jeu qui a beaucoup inspiré du coup beaucoup inspiré votre création. Bien qu'il y ait des composantes Metroidvania dans Caravan Sandwich, le jeu se veut quand même assez ouvert à la façon de ce qu'un Zelda a pu faire. Mais comment on concilie ouverture et narration? Parce que c'est une question à laquelle Zelda avait tenté de répondre d'une certaine manière plutôt habile. Vous, de votre côté, quels sont les jeux qui vous ont intéressé? Quelles ont les idées que vous avez prises pour développer ces deux aspects? Pour le côté Breath of the Wild, je ne sais pas si on s'était inspiré de la progression narrative. Mais après, moi, je dirais clairement, Breath of the Wild, après, on ne peut pas mentir, hein, dans la vertical slice du jeu, il y avait un magnète qui permettait de déplacer des trucs. On avait complètement pompé ça de Breath of the Wild, et c'est un peu ce qui a inspiré le côté d'avoir des outils sur le van. Mais ça, c'est pour le côté mécanique, forcément. Mais pour le gameplay, enfin pour la narration, On a opté pour avoir un squelette narratif assez léger, en tout cas pour la quête principale. C'est-à-dire d'avoir une quête principale qui est pas trop velue non plus, et qui permette de compléter le jeu assez rapidement si on ne fait que ça, pour laisser la possibilité de s'impliquer dans. En fait, ce qu'on a fait, c'est de faire beaucoup de quêtes secondaires. On a créé, en fait, on s'est inspiré, là, c'est vraiment aussi une grosse inspiration par Bah, Beyond Good and point Evil. Alba, Ah, oui, voilà. j'allais dire Beyond. Point Alba, point Beyond Never, C'est point ça. Night in the Wood, en fait, ils font tous ça. C'est le point commun de ces trucs, c'est la structure narrative. On a ben, déjà ben, entre Alba et Night in the Woods et même Firewatch, il y a toujours ce concept de tu commences dans un tout petit environnement. Dans Night in the Woods, c'est la gare. Tu en sors, tu vas arriver dans un, tu vas faire une séquence intro un peu qui va te présenter les choses et tu vas arriver dans un mini open world. Donc ça dans 45 chez les Calanques. Dans Night in the Woods, c'est le coq dans je sais plus pour ce que C'est c'est, la mais maison aussi, c'est la oui, maison en ça fait c'est la maison en référence. dans c'est un petit niveau quoi, mais ouais. Et ensuite, une fois que tu as complété ce mini open world, tu peux accéder à tout le reste du monde. Et c'est un peu cette structure qu'on a faite. Mais ensuite, pour progresser dans l'histoire principale, on s'est inspiré de Beyond Good and Evil, qui avait ce système de pour avancer, il faut acheter des équipements, des armes, enfin je ne me rappelle plus exactement, des outils quoi, qui coûtent quelque chose, et Avec des perles. pour les acheter, il faut des perles. Sauf que les perles, tu peux les gagner plein de façons différentes. Et c'est un peu là que le jeu est un peu à la carte, c'est-à-dire que pour trouver cette monnaie qui te permet d'avancer dans le jeu, tu peux plus ou moins bah, dans 45 explorer, ou plus ou moins t'investir dans la vie des gens et faire des quêtes secondaires. Et du coup, tu peux dans 45 soit tout faire, donc t'explores à fond, tu fais toutes tes quêtes secondaires, comme tu peux décider de faire qu'un seul des deux et arriver jusqu'à la fin du jeu tout autant. Et ce qui fait que au début, je m'attendais à ce que tout le monde fasse un peu la même chose, genre tout le monde fasse un peu de quête, un peu d'exploration, un peu de quête secondaire. Et en fait, dans les playtests qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était assez varié. On a des gens OK. qui ont fait quasiment que de l'exploration, et qui ont kiffé parce que c'était ça qu'ils voulaient dans le jeu. Et du coup, au moins, on peut dire que dans le jeu, il y a un peu deux aspects qui sont offerts, aux joueuses, et qui peuvent être un peu mixés comme voulu. Alors le jeu se situe en plein cœur de la Provence. Comment vous avez décidé de la dépeindre, cette Provence? Est-ce que vous y êtes retourné spécifiquement pour le jeu? Est-ce que vous avez discuté avec les habitants de leurs craintes, de leurs envies? On parlait des craintes écologiques, moi, pour y avoir vécu et pour y être retourné assez souvent. Effectivement, il y a une crainte qui est assez importante. Est-ce que vous avez aussi fait référence un petit peu à la mythologie, aux légendes que l'on peut trouver là-bas? Il y a plusieurs questions. Déjà, on y vit. Enfin, Mais moi, je c'est vis nous à les Montpellier, habitants. mais Adrien, il vit. Oui, voilà. Donc, On se questionne Adrien, il vit nous-mêmes. à Aix. Donc, voilà. C'est ça, exactement. Exactement. Bah, on y a vécu notre adolescence. Donc, l'avantage, c'est que de ce côté-là, il y avait pas beaucoup à chercher parce qu'au fond, on avait déjà, enfin, l'avantage, c'est on parle de trucs qu'on connaît et que on a vécu, donc c'est quand même vachement plus simple d'y parler, quoi, d'en parler. Mais ensuite, pour ce qui est des problématiques, par exemple écologiques, ouais, en fait, il y en a plein. Et donc, de toute façon, on a parlé aux gens autour de nous pendant qu'on vivait aussi là-bas. C'est, enfin, et même actuellement, quoi. Il y a plein de questions. De toute façon, t'entends assez régulièrement que ouais, le sud de la France, dans je sais pas combien d'années, ça va être difficile à vivre. Donc tout de suite, ça pose question en termes d'écologie. Mais en plus de ça, un truc intéressant avec la Provence, c'est que tout est quasiment artificiel. C'est-à-dire que l'écologie, même quand tu vas te balader dans une sorte de forêt en Provence, je dis sorte de forêt parce qu'au final, les forêts en Provence, bah, c'est plein de petits chênes qui piquent. Et donc, et de d'espèces de petites savanes avec des Béton. herbes hautes, sèches, qui piquent. Et du coup, bah, en fait, ça c'est quelque chose qui existe essentiellement parce que y a eu une exploitation humaine gigantesque depuis des centaines d'années en Provence. Et il y a eu de la déforestation et il y a eu plein d'interventions humaines comme ça, du braconnage de charbon, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça fait que la nature en Provence, elle a été profondément transformée par l'homme, déjà rien que aujourd'hui, enfin rien qu'elle existe là comme ça quoi. C'est ça, la pluviométrie a été affectée par exemple, ce genre de choses, ce qui fait que c'est plus sec. Ah oui. Donc la Provence qui existe aujourd'hui, c'est complètement quelque chose qui est différent de la Provence qui existait il y a 500 ans quoi. Et donc pour moi la question d'écologie en Provence, elle est partout et constante en fait. Du coup, comment vous avez décidé de la dépeindre, cette Provence Ah, je savais bien que j'ai oublié une question dans la liste des questions. C'est pas grave. C'est de ma faute, j'ai qu'à pas poser 4 questions à la fois. C'est très bien. Comment j'ai choisi de la dépeindre pour ça, il y a un terme qui est ressorti récemment, c'était le Provence Punk, qui a été pas mal sorti. Et je trouve ça intéressant parce que donc c'est dérivé de Solar Punk, donc c'est un genre de mouvement artistique qui a pour but de d'imaginer un avenir meilleur, plus écologiste, plus sympa quoi. Mm-hmm. Mais le problème c'est que la Provence c'est aussi beaucoup de choses différentes, et c'est souvent quelque chose qui est un peu idéalisé. C'est-à-dire qu'on imagine un petit peu le climat méditerranéen sympa, avec la petite maison avec des tuiles rouges, la petite piscine, la petite calanque, le petit champ de lavande, le petit champ de vignoble, enfin les vignobles, etc. Pour y avoir vécu, c'est ça sur les cartes postales, mais quand il vit, c'est aussi l'isolement, les petits villages qui votent FN à 70%, des choses comme ça. On a essayé de reproduire quand même, je pense, une version un peu plus, un peu de notre version de la Provence, avec plusieurs facettes, parce que c'était ça qui nous parlait, je pense. Et donc il y a la vie d'un petit village, la vie en communauté qui est vraiment mise en avant, la nature, les dangers de l'industrialisation et de la et les sujets sur l'écologie, etc. Et donc à partir de là, après c'était beaucoup de travail de direction artistique, et on a bossé à fond sur comment arriver à bien faire les romarins, quel type d'arbre il y avait, quel genre de plantes on peut mettre, les petites plantes grasses, les petits machins, et voilà quoi. Après c'est pas du tout une version réaliste, c'est 100% une version interprétée hein, de la Provence, et faut plus le voir comme un genre de tableau que comme un documentaire. Adrien, veux-tu rajouter quelque chose? Non, je voulais juste confirmer ça, que effectivement c'est du Provence Punk et pas vraiment la Provence, dans le sens où même il n'y a pas que des décors provençaux hein, dans le jeu. On a pas mal de tout simplement de désert. On a essayé un peu de on a imaginé par exemple un désert provençal, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve ici. Donc on l'a décliné sous plusieurs formes. On s'est laissé pas mal de liberté. Après forcément il y a des endroits qui sont beaucoup plus la Provence, comme tout simplement la zone qui était dans la démo du jeu, les calanques. Ça c'est vraiment 100% la Provence, le petit village qui va avec, etc. Mais on s'est quand même laissé pas mal de liberté. Alors j'ai envie de revenir sur cette tempête qui menace. Parce que contrairement à beaucoup de jeux, alors c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que j'ai tort, mais contrairement à beaucoup de jeux où c'est quelque chose de positif qui régit un petit peu l'équilibre, vous avez décidé que ce soit un orage supercellulaire dans Caravan Sandwich. Pourquoi avoir fait ce choix? Si je l'interprète correctement, bien sûr. Alors la tempête, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez central, hein, ne serait-ce qu'au titre du jeu, hein, parce que tout tourne autour de... Le mystère tourne autour des sandwichs, hein, des sorcières des sables, ne pas confondre avec ce qu'on peut acheter en boulangerie. En fait, on a toujours eu cette idée de il y a la tempête, et au milieu de la tempête, il y a les sorcières. Désolé si je spoil un petit peu. Ça a beaucoup évolué, mais aujourd'hui, la tempête dans le jeu, c'est quand même quelque chose qui garde l'équilibre. C'est-à-dire que pour nous la tempête c'est un peu une espèce de Tchernobyl, on l'appelle l'accident des fois dans le jeu, c'est-à-dire que t'as une espèce de méga machine qui est là, et un jour il va se passer un truc qui fait que ça déconne, et il y a cette tempête qui en résulte, et il faut pas y aller, Et un peu comme avec Tchernobyl, la radioactivité, le dôme de béton, etc. Et du coup, ce qu'on va découvrir dans le jeu, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait, c'est que bah, cette tempête, elle sert quand même un rôle. C'est de garder le consortium. Donc, le consortium, c'est cette espèce de groupement d'entreprises qui était là justement à la base pour exploiter la planète et en tirer ses ressources. Bah, c'est un peu là pour les garder à l'écart. Donc d'un côté, ça pose problème aux habitants parce que bah, ils ont une grosse tempête à côté de chez eux qui est quand même un enjeu climatique pas très fun à avoir à 500 mètres de sa maison. Mais aussi d'autre côté, elle permet de garder les dangers à l'écart. Et il y a du coup beaucoup de questions à se poser sur est-ce que cette tempête, bah, il faut la garder ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle soit ici? Mais en tout cas, on l'a gardée vraiment en fond. C'est-à-dire que forcément, il y a des moments où on va nous la montrer avec une caméra qui zoome dessus et Littéralement et tout. figurativement. Ouais, c'est ça. Dans le jeu, mais la plupart du temps, elle est là. On va pas forcément trop en parler, mais toujours pour te rappeler qu'elle est ici. Et ça, c'est un peu quand même un fil rouge du lore du jeu aussi, parce que. Bon, je dérive un petit peu, mais un truc dont je suis assez content dans Caravan Sandwich, c'est la façon dont on aborde le lore et l'histoire. Et on évite de dégurgiter énormément d'informations sur l'histoire aux joueuses et de faire le travail à leur place. Disons que la compréhension de l'univers dans Caravan Sandwich dépend beaucoup de l'investissement des joueuses. Il y a plein de façons de l'apprendre, que ce soit par se balader dans les environnements et juste regarder, en fait, un peu de storytelling. Il y a aussi, on peut faire des petites interactions où Sosh se rappelle des choses, et donc comprendre quels sont ses souvenirs de ces endroits, qu'est-ce qu'on lui a raconté dessus. Et aussi, bien sûr, il y a des personnages dans les quêtes qui vont nous apprendre des choses sur cet environnement qu'on aura si on cherche à aller faire ces quêtes secondaires. Et du coup, on a essayé de raconter beaucoup de choses. C'est un univers relativement complexe, mais voilà. qui dépend d'investissement, d'aller chercher ce qu'il a à raconter. Amy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, la tempête, j'adore. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Adrien. Effectivement, ça dépend beaucoup de à quel point on est curieux, curieuse de ce qui est raconté dans le jeu. Mais petit truc intéressant sur la tempête, c'est que c'est littéralement une inspiration prise de ITER, le projet de réacteur à fusion nucléaire qui est actuellement en développement et en construction en Provence. Et donc on vivait avec Adrien vraiment pas très très loin. Et donc c'est un peu une espèce d'énorme projet international qui pompe des milliards globalement et qui a été repoussé depuis des années. On sait pas si un jour on arrivera à faire tourner de la fusion nucléaire là-dedans, mais on verra bien. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment tiré de notre vécu. Ma mère a travaillé pour le consortium qui en fait construit ITER, littéralement, s'appelle Engage, le consortium lui-même. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a vécu, quoi, en fait, avec des gens au lycée, au collège, qui sont là, qui ont débarqué dans la région juste parce que, eh bien, ils sont venus travailler sur ce projet-là, quoi. Et donc, cette tempête-là est inspirée un peu enfin, complètement inspirée de ce projet qui était à côté de chez nous et de un peu l'éventualité tchernobylienne de est-ce que qu'est-ce qui se passe si ça pète, mais c'est quelque chose qui est rigolo comme ça, le truc qui se pète. Mais ce que nous on trouvait quand même le plus intéressant, c'est la façon dont on pouvait raconter le vécu qu'on avait de vivre autour d'un projet gigantesque qui promet de faire avancer l'humanité à des années-lumière, quoi. Enfin, complètement. On va terminer cette interview de façon un petit peu optimiste quand même, en parlant du post-apocalyptique, ce qui est bizarre à dire. Mais c'est un truc que j'ai vu dans quelques-unes de vos interviews. Comment vous avez fait pour aborder le post-apo de façon optimiste? Parce que généralement, on prend le travers inverse pour parler du post-apo. Bah, c'est qu'en fait, tu pars de l'apocalypse, donc il se passe un truc pas ouf. Et ensuite, qu'est-ce que vont faire les gens dans cet après-apocalypse? Et apparemment, la plupart des univers de fiction sont d'accord pour dire que les pires travers de l'humain vont ressortir et que tout le monde va s'entretuer. Mais on s'est dit que peut-être pas. Peut-être qu'en fait, les gens ils veulent se s'entraider. Et en fait, ça part vraiment de ça, c'est-à-dire par exemple, le village, la communauté du village dans Caravan Sandwich, c'est des gens qui habitent là parce que ils ont pas vraiment pu partir. Alors l'apocalypse dans Caravan Sandwich, c'est pas vraiment une grosse explosion ou la fin du monde, c'est la désindustrialisation de la planète. Les entreprises partent, c'est plus assez intéressant d'être ici, et petit à petit, sur des décennies, la planète est complètement en ruine et oubliée. Et du coup, nous, on s'est dit, si les gens qui sont encore là ont envie de s'en sortir, peut-être qu'ils vont s'entraider. Et du coup, en fait, on voulait montrer ce côté bienveillant des gens. Par exemple, avec Amy, on a pas mal été intéressés par les ZAD, qui en fait sont des regroupements de gens qui veulent vivre un peu différemment et qui vont ensemble construire des villages, se créer tout un mode de vie. Et en fait, le village, on a toujours appelé ça de notre côté la ZAD, la ZAD dans Cigalo, c'est ces gens qui se débrouillent, font du mieux qu'ils peuvent pour sortir cette planète, et la meilleure solution, c'est s'entraider. Mais ce qui est fondamental en fait dans cet optimisme, c'est que il est politique. Clairement, on n'a pas fait ça juste parce qu'on s'est dit oh zut, le cyberpunk c'est trop dark, on n'aime pas. En fait, complètement même, c'était plutôt l'inverse au début. Je pense que on était un peu à fond dans les délires cyberpunk, Mad Max à une époque. Je pense à nous collège, lycée quoi. Mais en fait globalement alors il y a deux choses, c'est que quand on remarque un truc sur ce genre d'œuvre, c'est que globalement elle semble critiquer des trucs à première vue, mais il se trouve que c'est le problème, c'est que souvent ça se résume à juste de l'esthétique. On va se dire waouh, Blade Runner c'est stylé, les méga pyramides des méga entreprises, et puis on va juste tourner autour du genre pour le côté waouh des néons et des gens avec des armures bioniques ou des bras bioniques ou des choses comme ça. En fait non, du coup l'idée c'est vraiment de faire un peu l'inverse de ça, tout en finalement aller dans le même sens. C'est de faire quelque chose d'optimiste autour de cette fin du monde. Et une nuance que je voudrais apporter par rapport à ça, c'est que on parle de fin du monde et d'apocalypse, mais elle est toute relative en fait, parce que pour les gens qui vivent dans les stations spatiales près du soleil dans Caravan Sandwich, il y a pas du tout de fin du monde. Il y a pas du tout de fin du monde, on est très très loin de la fin du monde, et même actuellement aujourd'hui en Provence, franchement la fin du monde elle est très très loin quand même. Mais il y a d'autres endroits dans le monde qui se reçoivent des kilotonnes de bombes sur la tête en ce moment même, où en fait la fin du monde elle est là et concrète, tu vois, enfin c'est pour ça que je pense qu'on a essayé d'apporter de la nuance à ça, parce que quand on parle d'apocalypse et de fin du monde, on parle souvent et la plupart du temps mais est-ce que si enfin qu'est-ce qui se passerait si c'était finalement les blancs qui se retrouvaient avec des kilotonnes de bombes sur la gueule, quoi. C'est ce qui est le sujet dans pas mal de films et de choses comme ça. Donc pour revenir à l'optimisme, mais complètement, alors déjà je suis 100% d'accord sur les points qu'a remonté Adrien, hein, c'est clair qu'on est grave inspiré de tout ce qui est ZAD et communauté alternative, mais c'est vraiment pour proposer quelque chose de politique et d'optimiste, c'est-à-dire que on pense que il y a moyen de s'entraider, il y a moyen de faire des communautés soudées, il y a moyen de vivre plus sobrement, il y a moyen de trouver des solutions globalement à toute la galère qui nous tombe dessus et qui va nous tomber dessus plus tard, mais sans non plus occulter les vrais, enfin les des problèmes concrets qu'il y a. En fait, par exemple, moi, un questionnement qui me touche, par exemple, personnellement, et qui est retranscrit dans le personnage de Yuka, c'est que, bah, Yuka, elle peut pas être indépendante complètement de des grandes villes et des stations spatiales, parce que c'est là qu'il produit son traitement hormonal, parce que simplement Yuka prend un traitement hormonal parce qu'elle est trans. Et moi, c'est une question qui me touche. Qu'est-ce qui se passe si, globalement, la supply chain globale d'œstrogène ne fonctionne plus. Et ça marche pour toutes les personnes qui ont besoin d'un traitement et de choses produites par la société industrielle pour vivre. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense, vraiment important à noter pour pas tomber ce serait mieux si on retournait à la nature et que tout s'effondrait. Non, on n'est pas là-dedans non plus. Donc, je pense que en même temps, ça interroge, en même temps, ça propose une alternative. Il y a des solutions à trouver qu'on n'a pas, clairement, mais c'est vraiment, le but, c'est de faire avancer un peu le débat et de proposer une sorte de safe space où on peut éprouver son éco-anxiété, on peut quand même avoir un espace inclusif, sympa, une communauté cool dans laquelle on a envie de revenir, et je pense, j'espère qu'après que les gens aient joué au jeu, ils aient un petit peu de nostalgie, des gens sympas qui étaient là. Avoir un cast divers, avoir des gens qui s'entraident et c'est juste faire un monde mimi, quoi. On espère. Mm-hmm. Adrien, c'est aussi les souhaits que tu amènes avec justement lorsque les gens finissent le jeu, c'est le message que tu veux que les gens retiennent de Caravan Sandwich. Bah oui, clairement. je pense qu'en tant que développeur de jeu, il y en a peut-être d'autres. C'est pour ça que je pose la question. C'est Ben, moi, il y a aussi un aspect purement. En fait, il y a tellement d'aspects de choses qu'on a envie que les gens ramènent avec le jeu. Moi, il y a aussi un aspect purement ludique. J'ai envie que les gens, après avoir fini Caravan Sandwich, se disent waouh, j'ai vécu une expérience gameplay qui m'avait quasiment pas été proposée avant. Je pense que Caravan Sandwich, on essaie de viser un public relativement casual. Des gens qui font pas forcément ça, de jouer à des jeux où on peut pas mourir, par exemple. Et j'ai envie que les gens ressortent de Caravan Sandwich en se disant qu'il y a d'autres expériences de jeux possibles, tout en ayant quelque chose d'intéressant. Alors, je dis pas que d'autres jeux sont pas intéressants, mais il y a un peu ce cliché qui, malheureusement, on en parlait avec Amy il y a pas si longtemps, des jeux qu'on catégorise de walking sim. De façon péjorative, en disant c'est un simulateur de marche, on fait rien d'autre que marcher. Au fond, Caravan Sandwich est un peu un walking sim. On se déplace avec pied ou en van, on va parler avec des gens, mais pourtant je pense qu'en finissant Caravan Sandwich, on a eu l'impression d'avoir une expérience très riche, et que quand on nous dit à la fin tu sais que tu pouvais pas mourir, ou qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de combat, les gens vont se dire ah oui, c'est vrai, et pourtant j'ai passé un bon moment. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a fait avec Caravan Sandwich, j'ai créé une expérience assez casual, professionnelle, assez lissée quand même. Enfin, on a vraiment essayé de faire un jeu où, quand on lance, un joueur casual puisse se sentir à la maison, que ça fasse pas trop un petit jeu indépendant, pas trop fini, et que pourtant à la fin c'est apporté une expérience nouvelle. La suite, c'est quoi pour vous deux? Évidemment, la sortie de Caravan Sandwich. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour Caravan Sandwich? Peut-être des ajouts, peut-être des DLC? Est-ce que c'est une nouvelle aventure qui est prévue? Alors, pour ce qui est de nouvelle aventure, on ne va pas s'avancer sur ça. Mais déjà, dans l'immédiat, oui, on va continuer à faire quelques mises à jour après la sortie du jeu. Bah, déjà, pour s'assurer que tout soit stable, que tout le monde puisse lancer le jeu sans problème. Qui tourne bien, ce genre de choses, ça, c'est la base. On aimerait bien continuer à écouter la communauté. Par exemple, là, on compte ajouter un mode photo qui permette d'aller prendre des screenshots dans le jeu, et donc de pouvoir un peu profiter mieux de la direction artistique. Et puis, on aimerait aussi continuer à faire des mises à jour par rapport à l'accessibilité. Malheureusement, comme dans beaucoup de productions, l'accessibilité, Il y a tellement de choses à faire que ça finit par passer un peu à la trappe. Alors, on n'a pas fait passer l'accessibilité à la trappe. On a quand même pas mal de features qui sont présentes day one dans le produit. Mais il y a des choses qui pourraient être mieux faites, qui pourraient être présentes. Par exemple, j'aimerais beaucoup réussir à intégrer du text to speech. Donc, c'est-à-dire avoir une voix qui lit tous les textes dans les menus et dans les dialogues, etc., dans le jeu, qui puisse permettre aux personnes avec des visions réduites de jouer. Et après, bah, l'accessibilité, il y a tout à faire. Donc, selon le temps et la demande qu'il y a, je pense qu'il y a, il y a plein de mises à jour qu'on peut faire dans ce sens. Clairement, bah, je pense qu'au niveau d'accessibilité, on a beaucoup à faire encore. Même si, bah, malheureusement, les jeux indés sont pas réputés pour avoir des super plein d'options d'accessibilité. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la suite, de Paintost. Ben en fait pour l'instant des vacances honnêtement on a rien sur le feu on va voir déjà comment ça se passe dans pour la sortie dans quelques mois voir quels sont les chiffres et puis on verra ce qu'on peut faire parce que il faut savoir quand même que la production a été assez fatigante et que voilà on va essayer de faire le point prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu et essayer de construire quelque chose de plus pérenne, en fait, je pense. Une dernière question sur la ligne d'arrivée pour vous demander un jeu que vous recommanderiez à tous et toutes, qui soit inconnu du grand public, qui est sorti récemment, qui est à surveiller peut-être de copains qui sortent des jeux ou qui vont bientôt sortir des jeux. Amy, quels sont les jeux que tu voudrais recommander? Pour ça, clairement, moi j'ai pas, alors on se tient pas beaucoup au courant, très clairement, de sortir en ce moment parce que c'est compliqué de tout faire en Je même me temps. doute, je me Moi, un doute. jeu qui m'a vraiment beaucoup touché récemment, que j'aimerais que les gens jouent plus, mais en tout cas, rien que en tant que personne trans, mais aussi en tant que joueuse, c'est Ifbound. Je pense que c'est sorti il y a quand même quelques années, mais qu'il y a pas beaucoup beaucoup. Trouver de enfin qui est pas très très grand public non plus là quelqu'un que dont j'ai joué à démo récemment c'est que j'ai beaucoup aimé c'est Building Relationships c'est un dating sim avec des bâtiments et Des je trouve que maisons qui c'est très roulent. très drôle c'est vraiment très très con il y a des maisons qui roulent et je trouve qu'en plus il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à dire avec ça donc, à surveiller. D'ailleurs, je réalise que je comprends Ok, le jeu de très mots que bien. maintenant que tu le dis. Building relationships, bah oui. Bah, Moi, j'avais compris birding au départ, je me suis dit ça va être ah des non, oiseaux, c'est. non. Mais jeu de mots excellent. Les jeux vidéo avec des jeux de mots dans leur titre, franchement, c'est les best, donc allez-y, quoi. Ouais, comme nous. Adrien, de ton côté? Alors, comme des amis, j'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe, mais il y a quand même un jeu qui attire mon attention, bah aussi parce que c'est fait par un ami d'amis. C'est The Operator, qui est un jeu qui, moi, personnellement, est venu remplir un vide que j'avais en moi. J'attendais un jeu comme ça. J'ai réalisé, c'est tout simplement un jeu d'enquête qui se passe entièrement sur un ordinateur du FBI. Donc on joue un opérateur qui doit comprendre un petit peu ce qui se passe et aider globalement des gens sur le terrain à résoudre des enquêtes. Donc c'est complètement dans un ordinateur, c'est une interface, c'est comme si on était sur un vieux Windows. Mais le jeu est génial, la tension narrative est incroyable et c'est pas très très long, mais moi quand je suis ressorti, je m'étais pris une petite claque quand même. Et si vous voulez en savoir plus, on a réalisé un épisode avec Bastien Giaferi, donc on parle de The Operator. N'hésitez pas à le retrouver sur les différentes émissions. La boucle est bouclée. Adrien Lucas, directeur technique, Émilie Lefebvre, directrice créatrice de Caravan Sandwich, un grand merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour nos auditeurs et pour nos auditrices? Eh ben, merci à toi. Merci à toi. Moi, j'ajouterais juste que la Caravan Sandwich n'existerait pas si on n'avait pas des équipes et des gens qui ont fait. Donc merci en tout cas aux 15 personnes de Plaintoast qui ont bossé sur le jeu, et à notre éditeur et à tous les gens qui ont participé. Et aussi, n'oubliez pas de recruter des personnes LGBT et queer et d'origine différente dans vos studios. Ça fait des meilleurs jeux et ça fait plus beau dans la vie. Et n'oubliez pas de vous syndiquer, parce que c'est important de défendre ses droits en tant que développeur et développeuse de jeux vidéo. Absolument. On rappelle que le jeu est sorti sur PS5, sur Nintendo Switch, sur PC, le 12 septembre, développé par Plaintoast et Dear Villagers, et ça coûte 24,99€. Merci à vous deux d'avoir été présents dans cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. Si vous souhaitez retrouver les précédents épisodes d'Indie 500, eh bien, vous pouvez le faire en podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict et sur toutes les plateformes. On est également sur YouTube, et si vous souhaitez soutenir l'émission, eh bien il y a un Patreon que vous retrouverez dans la description. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau tour de piste. Salut à tous, salut à toutes.